Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. Ce soir, nous avons un invité spécial, nul autre que Denis Talbot. Bonsoir tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette autre édition du podcast Mac Québec. On va tout de suite saluer mes co-animateurs de ce soir. Alexis Cornelier, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Je vais juste baisser un petit peu le son de la musique pour bien t'entendre. Voilà. Donc, il est possible qu'on m'entende difficilement dans... Il est possible qu'on m'entende difficilement dans ce precast, mais normalement, on t'entend. Parfait. Jean-François Roy, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, Bernard? Ça va bien, et toi? Oui, ça va, merci. Et nous avons Vincent Miller qui s'occupe du chat ce soir, qu'on salue également. Bonsoir, Vincent. Et on a un invité spécial ce soir, Alexis. Oui, ben en fait, c'est un gars de radio dans un premier temps. C'est ce qu'il aime beaucoup faire. Il s'est retrouvé malheureusement à TV, tu sais. Bon. Ah oui. Puis, oui, c'est ça. Donc, depuis plus de 10 ans, 12 ans, qu'il est à Monsieur Net et nous prodigue ses bons conseils. C'est Monsieur Denis Talbot qui a accepté notre invitation au podcast Mac Québec. On est bien content. Bonjour. Je suis bien content d'être là aussi. Merci, messieurs, de cette invitation. Je suis choyé. Ben, ça fait très plaisir. On hésitait. Je ne sais pas comment ça se passe. Je m'imaginais que tout le monde te demandait pour venir à leur podcast. Je me suis dit, tiens, je vais m'essayer. Non, mais c'est sûr que les gens, tu sais, ils veulent tout le temps jaser. Ils veulent profiter aussi du fait que peut-être je vais leur donner un petit coup de pouce. C'est pour il y en a beaucoup qui commencent, qui ne savent pas trop par quel bout prendre ça, les podcasts. Mm-hmm. Fait qu'on essaie de les mettre sur la bonne voie puis de leur dire, écoute, t'es pas obligé d'avoir un studio de 100 000 $ pour faire un podcast. Tout ça te prend, c'est quelque chose pour enregistrer, un micro, là, puis un support pour enregistrer, puis tu peux faire des podcasts, puis surtout une passion que tu veux partager. Alors, souvent, je me fais souvent approcher pour ça et aussi pour venir jaser de l'informatique, de jeux vidéo, puis de toutes sortes de trucs qui touchent au monde du merveilleux monde des geeks. Oui. En général, on sait que tu as plusieurs chroniques à différents endroits sur Maverick, à Monsieur Net. Je pense que c'est dans le Journal de Montréal aussi. J'ai collaboré à quelques reprises au journal, mais là, c'est surtout le journal Métro de ce temps-là, puis quelques hebdos en banlieue également. Excellent. Sinon, on le sait, tu es un hardcore gamer. Pas le dernier, mais dans les derniers, parce qu'il y en a de moins en moins. D'année en année, on nous dit que la moyenne d'âge des gamers augmente, donc j'imagine que c'est parce que je joue. C'est moi qui fais monter la moyenne. Mais la moyenne, en fait, les jeunes ne semblent plus rentrer dans ce qu'ils appellent gamer. Donc, on se retrouve en fait avec du casual gaming. Il y a des hardcore casual gamers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jouer à des jeux qui ne sont pas des jeux qui demandent énormément d'investissement de temps. On pense aux jeux sur, sur iTunes ou encore les jeux qu'on trouve sur Android, les petits jeux qu'on va jouer dans le transport en commun, mais qui peuvent quand même, une fois qu'on arrive à destination, le jeu s'arrête, on met au travail, au break, on reprend, on était rendu. C'est moins demandant côté temps, mais ils jouent autant, sinon plus, que ce qu'on appelle les hardcore gamers. Là, exactement. C'est fou, c'est malade mental. J'en connais au travail qui font que ça. Eux, s'asseoir devant un PC ou devant un Mac puis jouer à un jeu qui va demander 8, 10 heures, 15 heures de ton temps dans une même aventure, ça ne le tente pas. Ce qu'ils veulent faire, c'est explorer plusieurs types de jeux et s'amuser. Oui, le jeu solitaire est fort populaire sur les iPhones dans le métro. Effectivement. Les Bejeweled aussi. Bejeweled, c'est malade, c'est mon jeu de dentiste. De dentiste, ah, OK. Tu ne caches pas la lumière avec ton iPad. C'est quand j'attends dans la salle d'attente, là, mon vieux, ce jeu que je me fais aller moi aussi. Mais là, ce qui arrive avec toutes l'espèce de convergence de toutes les plateformes, ça risque de devenir assez malade mental les prochaines années. Là. Ouais. T'as quoi comme plateforme mobile, disons, de jeu qui te permet de jouer? T'es avec ton Nintendo DS, Vista, t'es-tu embarqué là-dedans? J'ai les Vista, j'ai les DS, mais je t'avoue que ça devient un peu compliqué de charrier tout ça. Moi, j'aime bien avoir mon centre d'amusement dans mon téléphone, m'amuser avec... Là, j'ai un iPhone. J'ai aussi des appareils Android. Donc, ça dépend de mes humeurs, ça dépend de ce que je veux faire. Et puis, ça dépend aussi des programmes que je teste, parce qu'un des aspects de ma job, c'est de tester des affaires qui souvent ne sont même pas encore sorties. Fait que j'ai des contrats. Ça, c'est un côté de ma business que peu de gens connaissent, mais je fais beaucoup de bêta testing pour l'industrie, que ce soit des jeux portables ou encore des jeux des jeux PC, même des jeux de console qui vont paraître dans un an, deux ans, puis des fois même qui paraîtront pas du tout suite aux commentaires qu'on fait là. Mais ça dépend comment je me sens, mais souvent je t'avoue que avec un enfant, t'as des enfants toi aussi, le iPad, c'est salvateur. Quand t'arrives dans un resto, tu vas avoir deux minutes de jaser avec ta femme un peu, là, tu sors l'iPad, mets ça sur le coin de la table, tu sors les applications pour le kid, et lui, il part dans son monde pendant quelques minutes, histoire de, tu sais, de relaxer un peu avec maman en prenant un petit verre de vin. Fait que ça dépend. Je suis assez polyvalent côté console portable, mais je t'avoue que personnellement, de prendre juste mon téléphone, partir avec mon affaire aussi, parce que commencer à traîner 8000 Vita, des DS, des ci, des ça, ça commence à être lourd, et puis c'est amusant quand même, on le fait pour le travail, mais les fins de semaine, j'aime mieux partir avec mon appareil portable. C'est parce que si tu veux continuer à te reproduire, avoir 8 batteries dans les poches avec le champ électromagnétique qui est autour de ça, c'est pas la meilleure idée, tu sais. Effectivement. Sinon, tu parlais du iPad. Est-ce que, puis je sais que tu en as parlé au dernier podcast de Radio Talbot, brièvement. Est-ce que ton gars, c'est un gars que t'as? Oui, mon petit garçon. Oui. Quel âge? Il a 4 ans. Oh, OK, il commence. Là, c'est le en fait, il y a le Terrible 2, puis il y a l'autre, là, que... Oui. Le fucking four. Oui. Mais écoute, moi, Samuel, ça peut. J'ai commencé à l'initier jeune. À 2 ans, il était sur l'iPad déjà. Il commençait à apprendre son alphabet, les mots, tout ça, les formes. Et on n'a jamais poussé ça. Il y avait des jeux de base qui étaient déjà dans l'iPad que j'avais téléchargé déjà. Et puis, ils sont restés là longtemps à rien faire. Finalement, Tipette les a découverts. Et puis, aujourd'hui, ben, il compte, il fait son alphabet, puis il fait des casse-têtes. On a commencé à lui faire des casse-têtes là-dessus. C'est des 8 morceaux, là, des espèces d'animaux qu'il fallait qu'ils reproduisent. Puis là, aujourd'hui, ben monsieur, c'est plus un défi. Là. Ça y prend des petits morceaux, des 50 morceaux et plus. Là, il s'amuse, puis il passe des journées à essayer de trouver comment placer les pièces ensemble. Et c'est bon pour la logique. Ça le fait travailler. Ça le fait aussi un temps pour lui, tu sais, de relaxer, de trouver ses affaires. Parce que, veut pas, à 4 ans aussi, on a des vues actives. On a des problèmes en garderie. Faut passer à travers quand même ces journées. Donc, ça y fait son petit temps, lui. Non, mais blague à part, il y a du stock en masse là-dessus pour les kids, pour les stimuler. Et puis, il y a bien des gens qui voient ça comme de façon, tu sais, rébarbative un peu. Ils se disent, hey, c'est quoi cette histoire-là? Là, déjà, tu le plug là-dessus. Un instant, tu sais, mon enfant, lui, est curieux. L'autre fois, il m'a demandé c'était quoi le système nerveux, tu sais. Là, j'ai dit, pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'à la TV, il avait entendu une expression qui disait, hey, la fille, elle disait à son mari, tu me tapes sur le système nerveux. Et il va savoir c'était quoi. Fait que là, tu dis, bon, comment expliquer ça à un enfant? On va chercher l'application du corps humain, puis on va aller voir c'est quoi le système nerveux. Exactement ce que j'ai fait. Fait que là, ça, puis le grand dictionnaire, il y a la gang de chez Drôle Informatique qui a sorti un dictionnaire illustré. Fantastique. Visuel. Ça, là, tu donnes ça à un enfant de 4 ans, puis il passe des journées à regarder ça, puis à comprendre des affaires. Là, il est rendu dans les étoiles de mer, entre autres. Et puis, là, c'est où la bouche? C'est où ses yeux de l'étoile de mer? Tu sais, bon, c'est ce genre de questions-là. Mais c'est ça, cool. Non seulement... Pardon? C'est pas mal cool. Ouais, c'est le fun au bout, parce qu'il se promène, puis il regarde des affaires qui l'intéressent, puis à un moment donné, il découvre des trucs. Là, il s'est rendu compte que les pieuvres... Ça avait des yeux sur chaque côté et non pas dans le milieu comme nous autres. Fait que là, ça amène une série de questions, encore une fois. Là, pourquoi c'est fait comme ça? En tout cas, c'est bien trippant. L'iPad, c'est facile. C'est une belle plateforme qui peut servir non seulement à faire découvrir des formes, mais aussi d'autres langues. Mon garçon, il connaît les drapeaux. Il y a une fascination sur les drapeaux et les voitures. Là, on se promène dans la rue, là, puis à un moment donné, tu dis, OK, c'est beau, Samuel. Mustang! Mercedes, il connaît par cœur. Un gars de char à cause du iPad, pas pire. Non, je te dis, écoute, il collectionne ça, il aime ça. Puis, non, papa, ça, c'est la nouvelle Renault. Je dis, OK, merci, Samuel. je connais rien des chars, tu sais. Faudrait que tu l'amènes au stade de l'Olympique. Oui, bien, c'est ça. Quand on va faire on va au jardin botanique, puis crois-moi que quand on passe de main drapeau, on a le droit à un récit. Exact. Je suis allé au. Il y a un festival l'été, un festival des sciences là, qu'ils font devant le centre des sciences du Vieux-Port. Je vais là, puis il y a un kiosque de CGI. T'sais. Puis moi, je me suis toujours dit, mes appareils électroniques, mes enfants, ils vont. Je ne vais pas leur dire non, non, non. Tu vas le briser, blablabla. Ils vont jouer avec, puis le produit a juste à bien être fabriqué. T'sais. C'est ça. Puis, mon fils, je le promenais dans une poussette, puis je rentre au kiosque de CGI, puis je pose des questions, puis il s'emmerde. Il fait juste lever la main, puis il fouille dans la poche de papa. Il sait que le téléphone est là. Puis là, il sort mon téléphone, puis il commence, il débarre. Puis là, la fille, elle dit, « Ah, non, non, c'est le téléphone à papa. Qu'est-ce que tu fais là, toi? » C'est ça. Et il est en train de jouer, il s'emmerde. Il débarre le téléphone, s'en va sur Netflix, s'en va sur ses jeux. Puis mon fils va beaucoup sur Netflix, puis j'ai comme pas barré quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je le pogne des fois à écouter des Iron Man à 3 ans. Là, j'étais comme, ouais, OK, peut-être. Puis, Non, mais c'est fou. Moi, j'ai offert une tablette à ma mère pour Noël l'année passée. Mm-hmm. Puis, le TQ, j'avais dit, quand on donne un cadeau à quelqu'un, c'est pas toi qui roule le cadeau, c'est la personne à qui on le donne. Toi, tu peux être là, peux regarder, peux être content pour la personne. Fait que là, ma mère, elle rouvre sa boîte, elle roule la tablette. Le TQ est assis sur ses genoux, puis lui, il sait comment ça marche. Ma mère n'a aucune idée. C'est pas pantoute. Fait que là, ça n'a pas pris une seconde. Quand ma mère, il a demandé, Samuel, toi, tu sais-tu comment ça marche? Oui, est-ce que je peux t'aider? Là, il t'a rendu à Waydon dans ses affaires. T'es allé voir les chats sur YouTube. Il sait comment ça s'écrit. C-H-A-T. Faut faire attention, par exemple, des fois. Mais sur YouTube, c'est pas si pire. Et puis, ramène là-dessus, puis ah ouais, donc. Puis veux-tu voir des poissons? Moi, je ne sais pas comment l'écrire, poisson. Tu veux l'écrire pour moi? Ah ouais, non, des poissons. Ben, tu vois, moi, je trouve que c'est un bel apprentissage. Puis, veux pas, regarde ça, là. C'est, cette technologie-là, dans quelques temps, ça va être commun. C'est comme quand les premiers micro-ondes sont arrivés, tout le monde freakait, avait peur de ça. Puis là, tout le monde en a aujourd'hui. Dans le domaine des technologies, avant ça, on avait un téléphone qui pouvait aller sur Internet. Là, on a Internet où en option, que les gens ne servent plus, sauf pour envoyer des textos. L'iPad, puis toutes ces tablettes-là, ça va devenir courant. Ça l'est déjà beaucoup. On nous pousse ça dans la gorge à coût de 80 tablettes, nouvelles tablettes par année. Hein. Ouais. Ouais. Fait que les ticus, veux pas, tu peux pas le dire, garde, reste chez vous, puis c'est comme si tu disais, reste dans ta chaise, puis apprends pas à marcher. T'sais. Ça va être ça. Demain, ça va être quoi, tu penses? Quand ils vont avoir notre âge, ça va être quoi, tu penses? Je voyais qu'aux États-Unis, là, ils sont en train de regarder s'ils prennent la décision d'arrêter d'enseigner l'écriture cursive, c'est-à-dire les lettres attachées, au profit de montrer aux étudiants à taper sur un clavier. Donc, tu vois, complètement enlever. Ouais, je trouve ça triste un peu. Je pense que c'est important d'avoir les deux. C'est chiant d'apprendre à écrire, mais maudit que c'est le fun quand tu le sais. T'sais, ça te suit pour le restant de tes jours. Écoute, tu le sais, on reçoit beaucoup de courriels, puis les gens ont de la misère à écrire. Puis c'est dommage un petit peu, parce que la langue française, c'est une belle langue. C'est compliqué, le français. C'est dur. En anglais, c'est facile. T'écris en anglais, là, puis ça roule tout seul. C'est comme l'autre fois que j'écrivais mieux en anglais qu'en français. C'est ma langue maternelle, là, c'est un peu... C'est ça. Puis, d'enlever l'écriture en lettres attachées, je pense que c'est de perdre un bout de culture aussi. C'est pas fait de politique, là, mais je pense que c'est important, c'est à nous autres, ça. Puis, il faut réussir quand même à posséder sa langue pour pouvoir la transmettre à nos enfants. Puis, c'est le fun de taper un clavier, mais toute hérité fine, ça semble vouloir se perdre aussi. Malgré que les ticus, par exemple, tapent bien vite avec le pouce. Là. Je regarde aller des fois, là, les ados, c'est l'enfer. On dirait qu'ils ont 12 pouces. Là, c'est fou raide. Sinon, mettons le top 3 des applications que c'est Samuel, son nom, c'est ça? Exactement. Que Samuel aime, ce serait quoi? Ben, moi, je le vois souvent. Il y a un truc qui s'appelle Le Monde de Victor. C'est un livre-jeu, une espèce de livre qui le plonge dans une aventure. Mon gars, il aime bien tout ce qui est sous-marin. Puis tu peux jouer au photographe parce que papa, il fait de la photo. Puis Samuel, ben, il haït pas ça. Nous autres, on part souvent les fins de semaine. Puis moi, j'y prête mon iPhone. Moi, je pars avec la grosse caméra. Puis on va se promener. Puis on va prendre des photos d'animaux. Puis ça, il trippe là-dessus. Fait qu'on part à l'île Charon. On va poser des renards, n'importe quoi. Puis dans ce jeu-là, Le Monde de Victor, Là, tu es une espèce d'océanographe, tu es un aventurier qui s'appelle Victor, puis là, tu dois aller te promener, prendre des photos. Fait que là, excuse-moi, je me trompe de jeu, c'est Scott. Scott, c'est celui-là. C'est un petit bonhomme qui est accompagné d'un chat. Et Scott, lui, doit aller dans l'eau. Il y a une grosse pieuvre, il y a des bancs de poissons qui passent. Puis ça, c'est bien, bien trippant. Et ça fait découvrir le monde marin, le monde sous-marin. Et puis, il y a une espèce d'aventure où tu vois des grosses pieuvres, la bébite favorite à mon gros. Il aime bien ça. Sinon, il y a un jeu qui s'appelle 1, 2, 3, domino. Ça, c'est bien le fun. Ça, c'est un jeu qui joue avec les formes. Et ce jeu-là, il faut que tu réussisses à placer des formes selon les couleurs, mais également selon les dessins qui se trouvent sur les triangles. C'est tous des triangles, tu as des voitures qui sont représentées, tu as des oiseaux, tu as des fleurs, et chaque côté du triangle a une couleur différente, et il faut que tu réussisses à reproduire des formes. Donc, ça fait appel non seulement à la logique, mais aussi faut que tu connaisses tes couleurs, tes formes, d'associer les formes avec l'objet qui est dessus. C'est bien, bien, bien bon, ça, au niveau de la logique. Puis si ça vous tente qu'ils apprennent l'alphabet, il y en a un autre qui est bien cool, qui s'appelle tout simplement Alphabet. C'est dans la série Mes premiers puzzles. Et là, il faut que tu traces des lettres avec ton doigt. Tu sais, apprends à faire un... Pardon? Celui-là, je l'ai, je crois. Oui, ça, c'est quand même intéressant. Il y a toute une série de cette compagnie-là qui offre donc une panoplie de titres qui sont cool à français, en anglais, en italien. Puis là, veux, veux pas, t'apprends les drapeaux, parce que TQ va fouiller dans le menu, lui, là, là, pour faire ses settings. Puis à un moment donné, il voit un drapeau rouge, il sent rouge, tu sais, bleu, blanc, rouge. Là, ça parle français. Celui avec les étoiles, ça parle en anglais. Celui, le vert, blanc et rouge, c'est en italien. Ça, on y touche pas, parce qu'on comprend rien. Puis tout le reste, c'est drôle, il se promène. Donc, il comprend que les drapeaux sont associés à une langue aussi. Puis là, il y a des espèces de cherche-et-trouve aussi qu'il aime beaucoup. Alors, on a commencé avec des animaux. Il faut se trouver deux animaux pareils. Après ça, ça a été avec les drapeaux. Il faut se trouver les deux drapeaux pareils. Puis là, à un moment donné, quand tu pèses sur le drapeau, ça donne le nom du pays, puis tu peux en savoir davantage. Tu vas savoir davantage sur la population, quelle langue ils parlent, où ils sont dans le monde. Il y a un paquet de dans la série Apprendre en s'amusant, là, je check ou d'œil là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de puzzles, de jeux de réflexion qui s'adressent justement à différents groupes d'âge. Et ils sont super bien faits, puis ils ne sont pas trop chers. Si vous avez un jeune qui est curieux moindrement ou qui aime les trains, par exemple, il y a des applications pour construire des rails. Il y a toutes sortes de trucs qui sont bien, bien cool. Ça, c'est une de mes séries de jeux que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Apprendre en s'amusant sur l'App Store. Vous allez trouver ça. Il y en a beaucoup. Ça se fait pour l'iPhone, iPad, iMac, surtout du Apple. Oui. Puis, t'en as-tu fait trois? Parce que moi, j'en aurais quelques-uns à te proposer. Vas-y, vas-y, shoot-moi ça. C'est des applications. Je suis allé au EdCamp il y a quelques jours de ça. Quelques semaines, en fait, et il y a un enseignant qui était là. C'est peut-être pour un petit peu plus vieux, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants à trouver là-dedans. En fait, j'aurais deux applications intéressantes à proposer. La première, ça s'appelle Puppet Pals. Mm-hmm. C'est une application, en fait, qui permet, tu as un choix de scène et ensuite, tu as un choix de personnage. Et quand tu démarres l'application, ben là, tu as un bouton qui te permet d'enregistrer tes personnages, tu peux les mettre à l'extérieur de la scène. Et puis, quand tu enregistres, ben là, c'est toi qui, avec ton doigt, prends les petits personnages puis les déplace dans l'écran. Fait que là, tu fais arriver un personnage. Puis là, quand tu le bouges, mettons, en parlant, c'est comme si tu avais une espèce de marionnette à doigts, là, que tu fais parler. Okay. Et tout ça est enregistré par l'application avec ta voix. Fait que si tu es en train de faire des voix bizarres, puis dans les personnages, tu en as des cute, mais tu as comme des sets d'achats in-app que tu peux t'acheter les personnages politiciens. Fait que tu as comme Barack Obama, puis Monsieur Bush. Là, tu es fait comme zigonner, là. Tu sais, c'est des petites marionnettes. Fait que tu enregistres ton truc. Et bon, ce que l'enseignant qui nous a présenté l'application disait, c'est que si tu laisses le kid faire, ça sera pas long que ça va être un jeu, là, tu sais, de ils se courent après, ils sortent de l'écran, puis c'est n'importe quoi. Mais tu peux lui donner des espèces de thèmes, tu sais, dire prépare-moi une pièce de théâtre où est-ce que tu vas avoir le thème de ça, il va se passer telle affaire. Et puis là, il peut t'enregistrer les trucs. Fait que c'est très, très ouvert. C'est pas un jeu vidéo en tant que tel. C'est plus comme une façon pour lui d'enregistrer puis d'avoir un petit théâtre de marionnettes. Fait que ça, c'est bien, bien intéressant. Ça s'appelle Puppet Pals. Je suis en train de l'installer, justement. Merci, c'est un bon truc, ça. Voilà. Et l'autre, ça s'appelle Leaf Snap. Et c'est plus une application d'accompagnement, je te dirais. Donc, tu disais aller à l'île Charon, photo d'animaux. Bien là, avec Leaf Snap, ce que tu es capable de faire, c'est de prendre une photo d'une feuille par terre et il va avoir une identification qui va être faite de la feuille. Fait qu'une espèce de détection de visage. Dire, bon, ben, tu es dans telle région, ta feuille a telle forme et c'est probablement une feuille de bouleau. Tu sais, là, quand le kid, il fait, ça, c'est une feuille de quoi, papa? Oui, oui, oui. Elle, toute sa vie, il n'y a aucune maudite idée, c'est quoi la feuille? Ben, va te le dire, tu sais, puis tu vas pouvoir le trouver avec lui, puis prendre des photos. Fait que c'est deux petites applications qui sont très intéressantes et qui sont proposées par un enseignant du nom de Stephen Smith. Ben, c'est très bon, ça. Je suis en train de les télécharger. La deuxième, les snaps, je trouve ça super, puis c'est comme une espèce de Shazam, mais pour les feuilles. Puis il y en avait un autre qui avait parlé pendant le truc, mais je me souviens plus c'est quoi. Je pense que c'est pour les chants d'oiseaux. Tu as la possibilité d'avoir une application. Tu fais, c'est Shazam, mais chant d'oiseaux. Oui, je sais qu'on a appris à Samuel, justement, les différentes sortes d'oiseaux avec une espèce de répertoire d'oiseaux des chants du Québec. Qui est un peu, ça s'appelle, en fait, ça s'appelle Chirp Canada, je ne me trompe pas. Ah, OK. Attends un peu. C'est comme chirping, les oiseaux qui font... Qui, bon. Puis, c'est la sphère poursuivre. C'est ça. Et puis, attends un peu, je pense que c'est ça. C'est celle-là ici, un instant slideshow, bref. Elle est sur mon téléphone, malheureusement, le téléphone est en haut, mais c'est une application qui, non seulement te montre une photo de l'oiseau, mais te fait entendre son chant. Et ce qu'on fait l'été, c'est qu'on se met dehors et je prends des petites enceintes, je branche ça, des enceintes préamplifiées là, que je branche dans mon iPad, et je fais jouer les sons d'oiseaux, comme par exemple les rouges-gorges ou encore les cardinaux, et je te jure que la cour se remplit d'oiseaux, et c'est pas long. Hein. Wow! C'est bien, bien le fun. Sinon, pour les parents, moi, j'ai une affaire que je trouve bien fun aussi pour prévoir la météo, parce que nous autres, on joue beaucoup dehors. C'est une affaire qui s'appelle My Radar Pro. Ça, c'est comme toutes les espèces de maps qu'on voit à TV. Le gars de la météo, la fille de la météo fait sa... Tu sais, les espèces de maps qui bougent ouais. En arrière avec les bancs de pluie qui arrivent, les fronts froids, les fronts chauds, tout le kit. Ça, là, mon gars, nous autres, quand on fait des tournages à la TV, souvent, on veut savoir s'il va mouiller à 3 heures. Ah, avec oui. cette application-là, c'est fantastique. On est capable de prévoir le temps qu'il va faire puis de voir à peu près où s'en vient où s'en viennent les nuages puis ça va nous tomber dessus. Donc, je vous recommande ça, les parents. Ça peut être bien cool. My Radar Pro, il y a une version qui même prévoit les tornades si on se promène dans le sud entre il y a quelques semaines. Puis je leur ai dit, les boys, pas de bonne idée. Puis ils ont eu deux jours de soleil sur 15, fait que c'était pas très cool. Mais quand même, c'est une bonne application. Mais moi, j'utilise pour la météo Sky Motion. Ah, ça aussi, c'est bon. C'est vraiment... Une application qui serait peut-être le fun aussi, c'est Flight Radar 24 pour voir les avions. C'est quel avion qui s'en vient. Là, tu te postes, il y a un endroit précis à Montréal que tu te postes, puis là, tu vois l'avion. Là, tu peux quasiment le toucher tellement qu'il est proche. Parce qu'il pas loin de Dorval sur la 15. Oui, ouais, c'est ça. Tu as un endroit sur l'autoroute. Là. Puis là, tu peux avoir, avec cette application-là, tu peux savoir bon, c'est quoi l'avion, d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce qu'il est parti, etc. Oui, c'est bon ça. C'est oui, puis c'est live. Tu peux voir... Fly spotting, en fait. Oui, exactement. Tu risques de voir peut-être pas Paulude. Qui est là. Ouais. Non, ben Denis, on t'a invité aussi un peu pour avoir ta bénédiction, parce que depuis 12 ans, à Monsieur Net, tu fais tirer pendant le temps des fêtes un bon Noël. Écoute, c'est pas je sais pas de qui c'est le bas... que vous mettez le stock dedans, là, mais il doit être gros parce que vous donnez du stock, ça n'a pas d'allure. Il y a du autres, stock. Oui, c'est ça. Ben, c'est Claude Arson qui fait les recherches de produits, tout ça. Puis le gars qui gagne, il est content. T'sais. Il y en a pour, je sais pas, là, 10 000, 15 000 là, de stock qu'il y a là-dedans. Là. C'est 10 000 environ, oui. C'est ça. Il y a des années que c'est plus que ça, mais seulement c'est aux alentours de 10 000 $. Effectivement, on se fie aux commanditaires qui nous donnent du stock. Puis... Les gens s'imaginent qu'on garde le... Il y a des gens qui m'ont déjà dit, tu gardes ça. Non, on met ça dans le bas, c'est pour vous autres, pour faire tirer. Il y en a qui sont heureux quand ils gagnent, d'autres moins, ça dépend. Quand... C'est Ian Richards qui part avec. C'est ça, effectivement. Sinon, nous, on a décidé de s'inspirer un petit peu de ça et on a quelqu'un chez Macquébec, Jonathan Moreau, qui fait le contact justement avec les compagnies. On a réussi à amasser un quand même assez intéressant Bonne Noël et depuis quelques jours, en fait, le concours est disponible. Donc, il y a à gagner là-dedans là, un logiciel Antidote 8, la dernière version. C'est excellent, d'ailleurs. Nous montre en ce moment à l'écran JF. Tu disais, Denis? Je le trouve excellent. C'est la meilleure suite linguistique sur le marché en ce moment, la suite Antidote. Druid, là, moi, je les adore. Ça fait des années que je les suis. J'ai vu la progression de ce logiciel-là et d'année en année, il réussit à nous surprendre. Donc, je le recommande beaucoup, beaucoup. Ben, tu écouteras le prochain podcast car Éric Labelle, si je ne me trompe pas, mm-hmm. de Druid Informatique sera avec nous justement pour nous en parler un peu plus. Donc, on offre un Druid, on offre un Holoclip qui est une espèce de lentille qui fait trois en un, là. Fisheye, grand angle et macro pour le iPhone 4S. Mm-hmm. On a des espèces de cover, des trucs de protection pour l'iPhone, puis deux, trois petites choses. Donc, le concours est sur le site de Mac Québec. Et ben c'est notre petit gant de Noël, notre petite mitaine de Noël à nous. Non, mais c'est très apprécié des gens qui écoutent. Là. J'en suis certain. Ça prouve que vous êtes en mesure de les récompenser non seulement de leur fidélité, mais en leur donnant un cadeau comme ça. Parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Les gens oublient ça. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de faire le podcast dans un premier temps. Non, ça, c'est vrai. Dans un deuxième temps, c'est ça, les cadeaux, c'est pas obligatoire non plus. Là, on en a parlé d'ailleurs au podcast All-Star. Les gens, des fois, oublient qu'on est bénévole. Oui. Oui. Non, c'est ça. Regarde, on a tous une job, des fois deux, puis des fois trois. Puis on vous trouve le temps quand même de faire ça parce qu'on aime ça. Puis on partage une passion avec des gens qui sont là. N'oubliez pas une chose, on ne serait pas là si ces gens-là ne seraient pas là non plus. C'est vrai. Exactement. Ben, je te remercie beaucoup, Denis, d'être passé comme ça à l'émission. Avoir pris le temps de jaser avec nous. Et puis, où est-ce qu'on peut t'écouter, te rejoindre, t'entendre, te lire? De la même façon, c'est sur Twitter. J'ai toujours mon appareil sur moi. Je ne réponds pas tout le temps parce que souvent, dans le métier que je fais, malheureusement, on a beaucoup de meetings. Dans ces meetings-là, c'est mal poli de faire du Twitter. Mais je réponds éventuellement. Donc, vous pouvez me rejoindre @DenisTalbot, @Twitter, sur Twitter, aussi simple que ça, ou encore sur @RadioTalbot, on est là. On a une adresse Gmail également, c'est radiotalbot@gmail.com. Et puis, vous êtes les bienvenus, quand vous voulez. Nous autres, on est là lundi soir à compter de 20h, puis vous venez, mais quand vous voulez. Excellent. Moi, j'y vais assez souvent. Jean-François aussi est un auditeur habituellement assez assidu. Moi aussi, j'écoute. Ben, vous êtes bien gentils. Merci beaucoup, les amis. C'est très apprécié. Puis, non, c'est ça. On se prend pas au sérieux. On a du fun. Puis, on essaie de livrer l'information sans trop dévoiler de secrets. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Hein? Des fois, quand on les a, les secrets, c'est dur. C'est difficile, mais des fois, quand c'est les boss des compagnies eux-mêmes qui disent des secrets, on est obligé d'éditer le podcast. Mais live, c'est un peu difficile. Ben, il y a une couple de monde qui vont escaper. Il faut l'écouter en direct pour avoir les scoops. Oui, effectivement. Excellent. Merci, vous êtes une chic bande de Luron, puis longue vie à votre podcast. Excellent. Merci beaucoup, Denis. Merci, allez, Denis. Salut, bye bye. Bye. Bye bye. Voilà, c'était Denis Talbot qui était avec nous dans le podcast. On aura, comme Alexis a dit, on aura d'autres invités, dont la personne de Druid qui va venir dans le prochain podcast. Effectivement. Et on aura d'autres invités également durant la saison. Oui. Voilà. Donc, si on passait aux nouvelles, messieurs. On va juste... tu veux juste parler de la soirée Final Cut, Alexis, demain? Ah oui, bien raison. Demain soir, c'est à une salle de l'INIS, si tu ne te trompes pas, Jean-François? Oui, exactement. C'est à quelle heure? Et, oh boy, attendez un peu, là, je me rappelle plus. Donc, les soirées Final Cut Montréal, ce sont au salon INIS. Et c'est, si je ne me trompe pas, à partir de 19h. Oui, c'est la salle Innis, c'est 301 boulevard Maisonneuve à Montréal. C'est à 7h demain soir. Et le prix d'entrée est de 10$, mais ça vaut la peine. Il y a des prix à gagner. Entre autres, il y a un système IO de Adja, qui est une espèce de système de capture. Si je me trompe pas, là, mais c'est du stuff solide, là. C'est du stuff lourd pour ceux qui trippent sur la vidéo. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Des gens là-bas qui sont spécialistes de Final Cut et qui peuvent vous aider. Et puis, c'est l'ami Mathieu Morano sur Twitter qui nous a demandé de jaser de ça. Donc, je pense qu'ils ont une grosse communauté quand même. Je pense que c'est solide, les présentations Final Cut. On les voit souvent popper. Puis, peut-être pas demain parce que je suis pris, mais en tout cas, je vais aller faire un tour dans les prochains mois pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça risque d'être fort intéressant. Moi-même qui ai commencé il y a à peine 2 semaines à faire un petit peu de Final Cut pour les entrevues, on a réalisé des capsules dans le cadre du Mobix, donc sur le channel de YouTube de Mac Québec. Vous pouvez aller voir ça. On a quatre entrevues de disponibles, une entre autres avec Catherine Matisse qui a fait une recherche sur l'utilisation des mobiles par les journalistes. C'est vraiment intéressant. Oui. Voilà. Quoi d'autre? Sinon, on a parlé du concours, on a parlé de fin. Est-ce que tu voulais nous faire ton coup de 12 ou on va attendre? Ah oui, je veux varger dessus. Ils me font suer. Coup de 12 à Seagate. J'ai acheté un disque dur il y a quelques mois de ça au Apple Store. En fait, le coup de 12, là, tu sais, ça spread. Fait que ça va aller comme dans cette direction générale-là. Là, tu sais, Apple Store plus Seagate. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on achète un produit third party au Apple Store, c'est pas eux qui s'occupent de faire le service. Et si je me trompe, donc on est obligé de contacter Seagate, puis là, ils vous disent, ben envoyez le disque. Puis là, tu fais, oui, mais qui c'est qui paye? C'est toi. Là, ben t'emballes le disque, puis tu te demandes, ça coûte combien envoyer ça là? Il dit, c'est 40$. Là, tu fais, ben là, il est pété, là, il était pété quand je l'ai ouvert. Fait que finalement, j'ai shippé le disque dur là-bas. Fait que aujourd'hui, je suis content. Je rentre, je vais faire mon podcast à soir. Il y a une belle boîte que le gars du PS a trouvé brillant de laisser comme ça devant mon entrée. Ah, c'est super, ça. Ah, c'est le fun. Ouais. Je prends la boîte, je rentre chez nous, je plug le disque dur. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de. Ça fait juste à rien. Là, j'ai beau, tu sais. Bon, y a-tu un bouton on-off? Non. Je regarde, tu sais, le logo Seagate est en avant, je pitonne dessus. Donc, c'est un disque GoFlex que j'ai acheté parce que c'est un disque qui est évolutif. Donc, tu as le disque qui se connecte à une espèce de base et cette base-là, en fait, peut être changée. Donc, moi, j'ai pris la base, évidemment, FireWire, mais tu peux avoir une base USB 3 qui est disponible. Tu peux même avoir une base Thunderbolt qui est disponible pour ce modèle-là. Mais, ouais. Hey, t'as donné, par exemple? Tu sais. Puis quand je vous envoie le disque dur, ben me renvoyer, tu sais, le disque, quand je le défais de son socle, c'est bien marqué en dessous, a été réparé. Tu sais, je sais pas, le gars, il a reçu le disque, il dit, ah, il l'a décapsulé, il a changé le disque dur dedans ou je sais pas quoi. Il l'a recapsulé, puis il l'a renvoyé. Je sais pas s'il y a des tests qui ont été faits, mais arrivé ici, il marche pas. Fait que là, il va falloir que je le renvoie, mais c'est un autre 40$. Je fais quoi? En tout cas. Fait que... Là, toi, c'est un disque là, avec un case tout. Là. Oh! C'est un GoFlex de Seagate de 3 teraoctets que j'ai acheté. OK. Alimenté de façon autonome avec un adaptateur et tout? Oui. Ben, en fait, l'adaptateur vient avec, mais okay. Quand je leur ai envoyé, ils disent envoie l'adaptateur, envoie le truc. Oui, c'est ça, on peut le retourner au Apple Store à l'intérieur de 14 jours. D'ailleurs, petit truc, si vous avez le méga montage de la mort à faire, allez loader votre carte de crédit en achetant un Mac Pro le plus gros, puis faites votre montage, puis ramenez-leur, ils ne poseront pas de questions. C'est comme si vous louiez un ordinateur pour une période de 14 jours. Bref, c'est ça, en 14 jours, on peut ramener le produit, mais on utilise ce délai-là, tu débrouilles la compagnie. Et si je me trompe pas, je l'ai fait, j'ai payé le shipping, mais si je me trompe pas, l'Office de la protection du consommateur stipule que un produit est vendu avec une défectuosité, le client ne devrait pas avoir à payer pour l'envoi. Si je me trompe pas, dans la loi, c'est comme ça. Fait que toutes les compagnies comme ça, ils se déchirent. Hein, moi, je suis aux États-Unis, je suis pas obligé de respecter cette loi-là. Ben, tu vends tes produits au Québec et oui, tu es obligé de respecter cette loi-là. Sinon, tu ne vends pas. Mm. Puis il y a des lois, tu sais, dire ah oui, mais si on fait ces lois-là, les compagnies ne voudront pas vendre ici. En Europe, là, les lois pour protéger le consommateur, là, c'est des vraies lois. Ce n'est pas des cheapettes lois. Là. Puis il y a des trucs pas mal plus intéressants qui se font de ce côté-là. Puis les marchands, il faut qu'ils deal avec ça. C'était ton coup de 12. On va poursuivre avec les nouvelles. Oui. Il y a les nouveaux iMac, les iMac qui seront en vente le 30 novembre, les 21 pouces le 30 novembre et les 27 pouces, ça va aller en décembre. Ben, oui, Jeff? Oui, ben c'est ça. On les attendait parce qu'Apple, quand ils ont fait la sortie du iPad mini, l'annonce du iPad, ils avaient dit que les iMac sortiraient. Alors, ils sont sortis, ils sont en vente à partir du 30. J'en connais beaucoup que c'est une grosse gamme de produits qu'Apple vend parce que là, ça fait un petit bout qu'il n'y avait pas eu de mise à jour. Je pense que ça fait comme un an et demi, je pense. On t'entend pas. 18 mois comme ça. OK. C'est ça. Fait que la nouvelle gamme est vraiment belle. Tu sais, juste le contour. Hier, j'ai fait remarquer à Bernard la boîte de shipping, la boîte qui vient avec. Je sais pas si tu as été voir Alexis sur le site. Elle est en angle, elle est en genre de petit triangle. Elle est vraiment belle. Elle est toute sharp, là. Alors, c'est à partir de vendredi qu'on va voir les commandé sur le site d'Apple. On sait pas combien de plus vont coûter les processeurs si on veut faire rajouter un processeur plus performant à l'intérieur. Alors, ça va être tout vendredi qu'on va voir ça. On avait eu la semaine passée des informations de la part de Apple. Ben, pas de la part de Apple, c'est-à-dire, mais des rumeurs qui disaient que le iMac serait retardé jusqu'au mois de décembre ou même jusqu'à 2013. Et en fait, des rumeurs comme ça qui émergent à propos des produits Apple, il les sortent tout le temps à la fin du mois. Ils annoncent que ça va sortir au mois de novembre, ça va sortir à tel mois. Et c'est souvent vers la fin de ce mois-là. Ils se donnent le plus de latitude possible. Et il y a du monde qui sont énervés, puis il y en a d'autres qui ont dit « Écoutez, ces rumeurs-là sortent tout le temps. » Jusqu'à temps que Apple l'annonce, c'est pas vrai. Tant qu'à moi, en fait, ça l'était pas. Et Apple, il y a deux jours, a sorti un communiqué de presse comme quoi les ordinateurs allaient arriver en magasin. Autre nouvelle, on a les messages. Messages bêta pour Mac OS X Lion expire le 14 décembre. Oui, on sait que Message, qui est intégré dans Mountain Lion, est en version bêta dans la version Lion, la version 10.7. Alors, Apple va cesser de le supporter à partir du 14 décembre. Alors, si vous avez encore macOS 10.7 Lion et vous avez encore un message bêta d'installer à partir du 14, il ne fonctionnera plus. Alors, vous allez devoir retourner avec iChat. Et pour ça, vous allez dans le menu, si vous avez encore la version bêta, vous allez dans le menu fichier et vous avez, je crois que c'est désinstaller message ou revenir à iChat, une affaire la même. Et ça va aller retélécharger, ça va aller chercher dans son backup du système. Ça va vous remettre la version iChat qui venait avec Lion. Alors, si vous voulez continuer à utiliser Message, vous allez être obligé de passer à Mountain Lion. Moi, je suis sûr qu'en fait, ce genre de barrure-là ou d'expiration-là, il y a souvent une petite recette qui apparaît là, sur les sites web. Donc, il va probablement avoir quelque chose qui va sortir d'ici là qui va permettre soit d'installer une version de 10.8 dans 10.7 ou quelque chose comme ça. Donc, ça risque de sortir. Il y a quelques machines, évidemment, qui ne peuvent pas passer à 10.8 pour des raisons de système, pour des raisons de hardware, entre autres avec ou le processeur qui est peut-être trop. Sinon, en fait, si vous êtes en mesure de passer à 10.8, vous, les gars, vous êtes avec 10.8? Moi, oui. Pas moi. Ah non? Je suis resté encore avec Lion. Et moi, message, il est disparu. En fait, je suis revenu avec iChat. Je crois qu'il y a eu une mise à jour à un moment donné. Puis il l'a complètement désactivé. J'essaie de voir si dans le Mac App Store, si on ne peut pas l'acheter individuellement. Et ça semble que non. Non. La seule chose qu'on peut acheter sur le Mac App Store, c'est FaceTime. C'est l'application FaceTime si vous êtes sur Lion ou 10.6. Mais tu ne peux pas acheter message sur le Mac App Store. Il y aurait peut-être une façon, ben là, bon, faudrait voir. Ceux qui ont Mountain Lion, ben, copient l'application de message et la donnent à quelqu'un qui est sur Lion. Il faudrait peut-être le tester, voir si ça fonctionne. Ben, en faisant ça, il faut changer certains paramètres dans les fichiers plist pour dire au logiciel que tu utilises, mettons, 10.7. Alors, il y a certains paramètres là-dedans. Je ne sais pas c'est où exactement, là, mais je sais qu'il y a certains paramètres. Il faut aller dire au système qu'on est sur l'ancienne version. Fait que je ne sais pas si c'est compatible avec. Alors, ça serait peut-être à essayer, mais moi, je ne l'essayerai pas. Non, parlant de Mountain Lion. En fait, il y a une bêta pour le système actuel, en fait, qui s'en vient. 10.8.3, qui est sorti au début de la semaine, lundi. OK. Corrige quelques bugs, entre autres avec... moi, j'avais un bug avec message que, mettons, s'il n'y avait pas eu le temps de... Parce que si j'utilise mon téléphone et qu'il n'y avait pas le temps de tout loader dans message, il se reconnectait automatiquement. En tout cas, c'est un petit bug. C'est corrigé dans ça. Alors, c'est nouveau maintenant dans les versions bêta. Avant, on allait télécharger vraiment le gros fichier complet sur moi j'appelle ça le Dev Center, le centre de développement de Apple. Mais maintenant, c'est quand on va sur le centre de développement, c'est un petit fichier que tu télécharges et que quand tu l'installes, il se met à jour, ton Mac App Store se met à jour et les mises à jour bêta vont se faire à l'intérieur du Mac App Store maintenant. Fait que on ne sera pas obligé de passer par le Dev Center pour aller chercher nos mises à jour. Si vous voulez bien sûr les essayer, mais moi c'est sûr que je les essaye toutes. Parfait. Ça a corrigé aussi ah oui, c'est vrai, M. Duchamp est dans le chat, là. Ça a corrigé aussi quelques problèmes de lenteur aussi. Moi, j'avais avec mon Fusion Drive que je me suis créé, que je vais faire la vidéo ce week-end, que je vais mettre sur la chaîne de Mac Québec. Je vais tout vous montrer comment vous créer votre propre Fusion Drive avec un disque SSD et un disque traditionnel 2.5 pouces. Alors, ça va être... c'est très simple, c'est super facile. Fait que c'est ça. À surveiller également la version 10.8.3 bêta 1 qui vient de se pointer le nez. Mais il faut dire aussi que c'est juste pour les développeurs. C'est pas n'importe qui peut aller télécharger ça. Sinon, il faut payer 100$ pour avoir accès au centre de développement. Alors, c'est ça. Aucune mise à jour prochaine pour l'Apple TV 3 parce que là, on avait toujours un petit peu des... beaucoup de gens qui attendent le jailbreak, dans le fond, de la version 3 de l'Apple TV. Et, dans nous trois. Oui, apparemment que c'est pas si facile que ça. Puis le responsable du site Firecore, un des sites qui propose justement ces fichiers de jailbreak-là, ben, il a laissé entendre que ça allait prendre un peu plus de temps que prévu pouvoir jailbreaker le Apple TV 3, tellement que maintenant sur les sites eBay, Amazon et compagnie, ceux qui vendent les Apple TV 2, ben, ils font des affaires d'or actuellement. des appareils à 250-300 $ alors que ça valait 100 $. Ah ouais, c'est fou, hein. Fait que si vous avez une Apple TV 2, alors go for it, gardez-la. Sinon, si vous avez besoin d'argent, vendez-la. Si vous connaissez du monde, et Apple TV 2, essayez de faire un échange avec la 3. Oui. Hein, Bernard? Je sais pas pourquoi je dis ça. Hello. Oui. Hey. Moi, j'ai encore ma Apple TV 2, en fait, qui est à la maison. Fait que c'est ça que je voyais. J'étais en train de me demander, tiens, est-ce que je la vends puis j'envoie mes enfants à l'université? Parce qu'il y a même des Apple TV 2 qui se sont vendus près de 400 $ sur eBay. Là. Ouais. C'était assez intense. Et la mienne est à toute fin pratique. Elle est encore jailbreakée. Oui, elle est encore jailbreakée, mais comme j'ai un Mac mini connecté en plus sur ma télévision, j'ai pas vraiment besoin du jailbreak. Donc, je risque de la remettre standard, soit d'aller me chercher un ATV 3 ou même simplement la vendre, mais de pas rajouter de Apple TV à ma télévision. Mais l'Apple TV 2 pourrait te servir, par exemple, pour faire du AirPlay, du mirroring, par exemple. Je peux le faire avec un logiciel qui est installé sur le Mac Mini. Oui, je sais, mais disons que ça pourrait être utile. Si, mettons, tu as une deuxième, troisième TV à quelque part, puis tu voudrais, je sais pas moi, que les enfants puissent jouer à leurs jeux sur l'iPad, mais qu'ils soient sur une grande télé, ou je sais pas. Je dis ça comme ça. En fait, contrôler le petit écran, là, c'est une... Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, je suis en train de montrer à l'écran un Mac Mini, un iPad Mini, pardon, qui nous a été prêté par la coop. On les remercie beaucoup. Je suis en train de faire le test. Donc là, je vais faire le drop test. Mm-hmm. On est très content de ça. Je suis en train de jouer avec ça. Puis la coop m'a permis de convaincre ma blonde qu'elle allait en avoir un à elle. On te perd un petit peu, Alexis. On a un petit peu de misère à t'entendre. Plus ça va, plus on a de la misère à t'entendre. Autre nouvelle, Facebook ne veut plus d'iPhone dans leur entreprise. C'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même des ententes entre Apple et Facebook. Ouais, mais on a vu ça passer. Ben, j'ai vu ça passer cette semaine. Ça a fait un peu le tour. Parce que ça, je comprends pas. C'est parce que ça a l'air que l'application Facebook sur Android ne fonctionne pas très bien. Elle n'est pas aussi implémentée que sur iOS. Ça a l'air que certaines couches que tu n'as pas accès, comme sur iOS, et Apple ont mis des affiches dans leur bureau que, avec le petit robot d'Android, montre que non, vous devriez changer vos téléphones pour Android, tu sais, au lieu du iPhone. Peut-être qu'ils veulent mettre plus les développeurs en action sur la version Android que la version du iOS, parce qu'on a reçu une mise à jour cette semaine qui corrige encore quelques bugs, là. Mais ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça bizarre, tu sais, je veux dire. Mais c'est d'autant plus bizarre qu'il y a des rumeurs qui disent que dans le iTunes 11, Ping est remplacé par Facebook pour le côté communauté. Ben, il est déjà dans Mountain Lion. Il n'est pas intégré intégral là, dans... Mais il serait plus dans iTunes 11. Ah ouais? Oui. OK. Ça, j'ai pas vu ça passer. C'est une des nouvelles fonctionnalités qu'il y aurait dans le iTunes 11. OK. Mais non, ça, j'ai pas vu passer. Fait que peut-être qu'on va le voir dans 2 jours parce que... Comme on disait dans l'autre show, normalement, Apple, s'ils n'ont pas sorti de press release, de c'est quoi en français un press release? Un communiqué de presse, merci. Disant qu'ils vont encore reporter la version, mettons, en décembre, parce qu'en octobre, ils l'ont repoussé pour novembre. Normalement, moi, je dis qu'il va sûrement sortir vendredi en même temps que les iMac. Fait que va sûrement sortir dans le courant de l'après-midi, genre vers 1h de l'après-midi, là, tellement qu'on les connaît. Là. Fait que 1h02, mettez-vous sur le site d'Apple, là, peut-être que ça va sortir. Là. Mais j'ai bien hâte de voir, comme tu dis, Bernard, l'intégration de Facebook dans iTunes 11, parce qu'on sait que Ping, c'était pas grand-chose. Là, je veux dire, il était activé, mais j'allais jamais voir là. C'est comme l'enfer. Là. mort de sa belle mort, comme on dit. Exactement. Mais, je ne sais pas si c'est moi, là, mais il me semble que ça ne va pas bien au niveau du développement des logiciels chez Apple. L'application podcast sur iOS, là, avez-vous vu les reviews de ça? Non, c'est pas très bon, là. C'est pas très bon. Les gens sont pas contents. Maps, ils ont foutu la personne responsable de Maps dehors cette semaine. Ouais. Fait que ça chez Apple, là. Je sais pas. La nouvelle, j'ai lu le gros titre, mais je sais pas qui était responsable de Maps et à quel point, parce que c'est Scott Forstall, il y a une couple de semaines, qui ont mis dehors puis qui ont, ils ont dit ben, c'est à cause un peu de sa faute là, que c'est à cause un peu de Maps qu'on le met dehors, Scott Forstall. Je sais pas. Mais je pense que l'autre s'appelle Richardson. J'essaie de trouver son nom exact. Mais il aurait fallu que je trouve le nom avant. Mais bref, l'autre personne qui était vraiment responsable de l'application même. C'est fait mettre dehors cette semaine. C'est pas, d'après ce que j'ai lu, c'est pas réellement de sa faute. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils ont voulu faire un espèce de patchwork de différents services. La nouvelle est sortie quand on a vu que Maps n'était pas très bon, que l'application aurait été développée, la première, aurait été développée 2 ou 3 semaines avant la sortie du téléphone et que c'est quelqu'un de chez Apple, qui aurait programmé à l'aide des API de Google la petite application qu'on a eue qui n'a pas tant évolué que ça au cours des différentes années. Donc, là, ils se retrouvent à avoir fait le changement, mais le changement, c'est s'ils n'utilisent plus s'ils n'utilisent plus Google, puis évidemment, ils ne peuvent pas aller avec Bing ou avec un seul service. Ils ont voulu utiliser Waze, ils ont voulu utiliser certaines cartes de Garmin, des trucs comme ça. Et c'est le patchwork de tous ces services-là qui ne fonctionnent pas vraiment bien. Donc, tu sais, ça va être facile, on va juste programmer. Puis finalement, non, c'est pas aussi facile que ça. Donc, je ne sais bien pas ce que Apple va faire là, en se rendant compte. En ayant investi quand même une bonne somme d'argent, c'est sûr que c'est pas beaucoup d'argent pour eux, mais c'est quand même, tu sais, ils ont acheté quelques compagnies. Donc, en ayant investi cette somme d'argent-là, puis après ça, en voyant que les résultats sont pas tout à fait là, je sais pas s'ils vont reculer, puis ils vont dire, bon, ben on remet Google, puis on leur dit, c'est correct, vous pouvez développer l'application que vous voulez. Hey, ça serait malade, là, si, mettons, ils développeraient l'application native de Google Maps, là, avec, je pense pas qu'ils vont avoir accès au API de Apple là, complètement là, pour utiliser Siri pour le GPS là. Mais ça serait hot quand même là. Fait que le manager responsable de Maps c'est Richard Williamson. Merci à Dominique Duval dans le chat de m'avoir rappelé son nom. C'est lui qui a été mis dehors cette semaine. Il a travaillé chez Next. Il est chez Apple depuis 2001, donc ça fait longtemps là, qu'il était là. Donc, beaucoup de départs au niveau d'Apple. Donc, ça c'est toujours un signe qui n'est pas toujours très bon. Quand on voit qu'il y a bien des gros départs comme ça, c'est parce que ça brasse dans la cabane, comme on dit. Ouais. Effectivement, ben, ça, c'est quelques personnes. Scott Forstall, M. Williamson. Avant ça, il y avait quand même le gars responsable des magasins retail qui est parti puis qui est allé scraper le JCPenney. Donc, ça fait quand même quelques têtes d'affiche. Est-ce que c'est parce que Tim Cook est en train de changer, en fait, la culture d'entreprise de Apple? Est-ce que c'est des gens qui étaient des amis de Apple puis que Steve Jobs avait gardé au sein de l'équipe? Est-ce que c'est des gens qui, à cause de Steve Jobs, étaient plus calmes, que Steve Jobs, à cause de son emprise, calmait un peu plus, puis qui faisait que toute cette équipe-là travaillait ensemble. Je ne sais pas si c'est ça, tu sais. Donc, c'est un petit peu inquiétant, mais en même temps, on nous dit que les décisions qui ont été prises sont pour le mieux, tu sais. Que Jonathan Hive, maintenant, s'occupera de designer les applications. On sait qu'il est très bon pour le design industriel. Est-ce que pour les applications, il va être capable? De toute façon, on ne verra pas ces avancées-là avant quand même quelques années. Ça va prendre un bon 2-3 ans avant qu'on voit ce que Hive est capable de faire dans un logiciel tout seul. Il y a l'iPhone 5 qui booste iOS, qui repasse devant Android aux États-Unis. Ouais, je suis resté surpris en voyant ça. On l'a checké, moi et toi, hier soir. Je suis resté surpris. La différence de pourcentage entre les deux versions de système, c'est de 48,1 contre 46,7%. iOS est en train de remonter côté téléphonie, mais on sait que Android vend beaucoup plus de téléphones que Apple. Android a une plus grosse part de marché sur les téléphones. Mm-hmm. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, là, côté un des deux, je sais pas encore. Mais ça, cette nouvelle-là, ça concerne juste les téléphones. On parle pas de tout système, tous appareils confondus. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait que sinon, il y a des lecteurs, il y a des iPads, il y a des tablettes, puis tout ça, là, si on rentrait ça là-dedans, là, c'est pas les mêmes chiffres. Là. Non, c'est sûr que. Parce qu'en plus, avec la guerre des tablettes qui viennent de commencer avec la Surface et le Nexus 7 qui va sortir, est sorti. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va affecter les prochains. Genre l'année prochaine, le prix des tablettes. Jeff. Quoi? Dans la même phrase, Android et iPhone. C'est Android et iOS qu'il faut dire. Parce que cette tarte-là, à l'échelle mondiale, puis il faut dire qu'il y a beaucoup de marchés dans lesquels le iPhone n'est pas vendu parce que pour ces marchés-là, c'est un appareil qui est trop dispendieux. Ou que Apple a décidé de ne pas aller. Et dans ces marchés-là, ben, les téléphones Android, vu qu'il y en a des plus cheap, les téléphones avec du Android dessus. Mais si tu regardes la tarte mondiale, on dit Android 75%, iPhone 25%. Moi, si je suis autour d'une table avec 20 personnes et que j'ai un quart de la tarte et que le reste du 19 personnes se distribue le reste du 75% de la tarte, je m'excuse, mais je suis celui qui a le plus mangé autour de la table. Et c'est exactement ce qui se passe avec le iPhone. D'abord, ils font le plus de profit sur leur téléphone. Leurs téléphones sont aussi les plus utilisés en ligne. Fait qu'il y a un paquet de monde qui s'achète des téléphones Android de bouette, d'entrée de gamme, des LG dégueulasses. Et parce que c'est le seul téléphone qui reste dans l'étalage de TELUS, qui ne veulent pas payer pour un Galaxy ou pour quelque chose. Qui expliquerait pourquoi iOS est en train de remonter, c'est qu'actuellement, on est en attente d'un téléphone flagship sur Android. Le dernier, c'est un Galaxy S3. C'est un téléphone qui est sorti au printemps passé, donc il y a presque un an maintenant. On attend la sortie du Galaxy S4 et les fans d'Android probablement aussi, parce que le Nexus 4 n'est pas un flagship téléphone. C'est un téléphone de bonne facture. C'est un téléphone avec une expérience Nexus la plus pure que Google veut donner sur son système Android. Mais ce n'est pas un flagship téléphone. Ce n'est pas un téléphone haut de gamme. Donc, voilà. C'est un LG. Le dernier Nexus, c'est LG qui l'a fait. Nexus 4. Parce que c'est un Nexus 4, oui. Donc, ça dépend. Des fois, c'est Samsung, des fois, c'est LG. Est-ce qu'il y a une règle de quelconque que Google choisit une compagnie plus qu'une autre? Absolument pas. En fait, on s'attend même à ce que les Nexus, Google, la permission à plusieurs fabricants d'en faire en même temps. Des rumeurs qu'un Sony Nexus allait sortir, que Samsung allait en faire un. Et finalement, LG en a proposé un qui est un téléphone, en fait, qui a la particularité. En fait, c'est un téléphone intéressant pour les voyageurs parce qu'ils n'ont pas décidé de mettre du LTE dedans, malgré que, bon, il y a une puce LTE à l'intérieur, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'elle soit efficace. Et donc, le téléphone qui est Nexus, fait qu'on s'attend à ce que ce soit la grosse affaire, il est 3G. Et il est 3G pour être distribué de marché possible parce que à l'échelle mondiale, ben le LTE est pas déployé à la grandeur du territoire. En fait, je lisais là, le 3G commence à avoir le même réseau de couverture que ce que le Edge ou en fait le 2G là, offrirait. Donc, le 3G devient en fait, tu sais, la base et le LTE dans certains grands centres devient ce qu'ils sont capables de déployer. Puis, tu sais, les tests de vitesse qu'on fait, Jean-François en fait à tout bout de champ. Moi, j'en fais quelques-uns. C'est pas stable, hein, le LTE. Hey boy. Une journée, c'est beau. L'autre journée, après, tu redescends à 12, puis ça m'est même arrivé de tomber sur du 2-3 à un moment donné. Donc, voilà. Donc, la technologie n'est pas tout à fait encore à point, le LTE. Ben, le LTE, ça dépend dans quelle zone. Comme là, ben, M. Ducharme dit, lui, qu'il pogne 61 mégabits à Sherbrooke. C'est comme beaucoup, là. Moi, je pogne même pas 27, là, tu sais. Fait que, puis je suis à Montréal, là, tu sais. Puis, je regarde sur... quand je suis sur Twitter, il y a du monde qui font des tests de speed test du LTE, mettons, au Texas, aux États-Unis, puis ces affaires-là. Tabarnouche, comment ils font pour atteindre ces vitesses-là? D'après moi, c'est Rogers, mettons, Rogers, Fido, Bell, puis Telus, que leur système n'est pas à jour encore. Alors, je sais pas si c'est les dernières versions d'antennes qu'ils possèdent. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir si je vais pogner 61 ici à Montréal. Là. C'est comme... C'est pas vite. C'est vite, là, à comparer de... C'est juste l'upload qu'on a, à comparer de l'upload qu'on a dans nos maisons. Oublie ça, là, ça c'est faramineux, là, c'est l'enfer. Mais à part le download, c'est pas ce qui est supposé être à Montréal. Est-ce que c'est un problème de iPhone? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de Wi-Fi, le iPhone? Non, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il a pris la SIM de son iPhone 5, il l'a mis dans son Galaxy S3 et il est stable à 60 mégabits alors qu'il tape le 20 avec son iPhone. Moi, je pense pas que ce soit un problème de l'appareil. Au niveau du système d'exploitation, il y a de quoi à faire. J'ai bien hâte de voir, là, je sais pas, tu sais, ça fait quand même quoi, presque 3 mois pour iOS 6. J'ai hâte de voir 6.1 arriver. C'est pas corrigé, là? Non. Ouais, c'est ça, c'est pas corrigé dans les bêtas que j'ai sur mon téléphone, là, fait que... Donc, un problème logiciel du côté iOS. On espère que c'est pas le 6... qui a ce problème-là. Là. On espère. Quand est-ce qu'il va sortir le 6.1? Là, on est rendu à la version bêta 2. Peut-être qu'avec la version iTunes 11 qui va peut-être sortir vendredi, on va peut-être avoir la bêta 3 parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas eu de bêta encore. Alors, peut-être bêta 3, puis normalement après, c'est la version, version finale qui sort 2-3 semaines plus tard. C'est ce qui complète les nouvelles. On va passer maintenant aux applications de la semaine. On va débuter avec Vengeance Was With A Cause. En fait, c'est un jeu très drôle qui est sorti, qui est 99 sous. Et c'est pas un jeu qui est terriblement prenant à jouer. C'est cool, là, mais c'est pas le jeu de l'année. Par contre, ça met en scène Steve Wozniak, qui est... le cofondateur de Apple, et David Trejo, ou Danny Trejo, qui est l'espèce de Mexicain là, des fêtes de la face qui joue dans des films comme Desperado ou Machete. Machete, oui. Donc, c'est lui qui fait Machete. Puis, ils ont fait un jeu où est-ce que Woz se fait kidnapper. Bon, c'est une prémisse assez... assez nounouche, mais il se fait kidnapper sa copine et il décide de partir puis d'essayer de trouver. Fait que le jeu, c'est le petit personnage de Woz qui est tout le temps en train d'avancer. T'as un fusil, puis là, ben, il faut que t'évites les balles, faut que tu tires sur le monde. Donc, c'est un jeu à 99 sous qui est drôle dans sa mise en marché, mais qui est pas très le fun à jouer nécessairement, mais ça valait la peine de le noter, en fait. Toi, Jean-François, tu as acheté ce matin iStats Menu 4. Oui. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, iStats Menu 4, c'est un utilitaire qui vous permet de savoir tout ce qui est à l'intérieur de votre ordinateur, les performances de votre CPU, combien de mémoire l'ordinateur utilise, combien de capacité de disque dur qui vous reste. C'est comme un petit monitoring interne. Moi, je les ai tout le temps suivis là, depuis je ne sais plus trop quelle version, là, parce que je les trouve tellement bien faits. Ça te montre tout. Mettons, comme moi, j'ai 4 cœurs, fait que ça te montre quel cœur fonctionne le plus. Tu as des stats qui peuvent te sortir. Dans cette version-là, je parle, il y a des stats que tu peux sortir. C'est quoi le... quel cœur qui utilise le plus souvent. Côté mémoire aussi, la gestion de mémoire a été beaucoup améliorée. Faut dire aussi que la version 4 est maintenant Retina, ce que la version 3 n'était pas. À part ça, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Ah ouais, mais là, ce que j'ai pas aimé, c'est quand j'ai activé la fonction batterie, ils m'ont dit que ma batterie était à 85% de sa vie. Je la trouve pas drôle, ça fait même pas un an que j'ai mon ordinateur. Ah ouais? Fait que faut, je vais aller la faire changer au Apple Store parce que c'est pas normal. Là, c'est que je l'ai acheté en mars, là, fait que c'est pas normal qu'elle soit à 85% de sa vie en novembre. Là, c'est, tu regardes le nombre de cycles à ce moment-là de ta batterie. Ouais, je l'ai juste 185, puis elle est à 85% de sa vie. Mm-hmm. Fait que c'est pas normal. Là. Et souvent, tu vas au Genius Bar, ils vont regarder l'état de ta batterie, ils vont voir si c'est normal ou pas. Ouais. Ils vont te la remplacer gratuitement. Moi, ça m'est arrivé avec un MacBook Pro de quelques années, puis ils l'ont remplacé deux fois. Ouais. Donc, il y avait peut-être un problème avec les batteries. C'était les batteries Sony à l'époque qui avaient des gros problèmes. Bon, ça a passé dans le lot, puis ils ont remplacé gratuitement. Donc, des fois, ça peut arriver. OK. Je veux juste finir avec iStats Menu 4. La version complète est 16$ si vous ne la possédez pas. Mais si vous la possédez, j'ai payé combien, moi, pour la mise à jour de la 3? 9,80. J'ai payé 9,80 ce matin. Si vous la possédez, si vous possédez la version 3 que j'ai depuis un bundle depuis, je ne sais pas, 2-3 ans, je pense. Est-ce que c'est la même chose qu'on a dans le dashboard? Parce qu'il y en a un. Ouais, mais dans le dashboard, il est. Mon Dieu, je me souvenais même plus qu'on avait ça. Je m'en sais pas. Plus compliqué. La version logicielle donne beaucoup plus de choses. Dans chacune des catégories, tu es en mesure d'aller dans une application, mettons Disk Usage. Ben, tu as un raccourci vers Disk Utilities. Tu peux éditer les préférences, tout ça. C'est vraiment beaucoup plus complet que le petit truc qu'il y avait. Dans les widgets. Au niveau maintenant des bundles, est-ce qu'il y en a cette semaine que vous avez retenu? Ben non, il y en a qui finissent. Il y en a qui commencent. Lequel? C'est le Super Bundle. Le Mac Super Bundle. Pas vu ça. C'est, il est sorti aujourd'hui. OK. Ça pourrait intéresser Alexis pour certains logiciels. Il y a Stellar Drive Clone dedans, full version. Stellar Speed Up Mac. Sinon, à l'intérieur, il y a ArcSoft Perfect 365 Mac. Encore un autre truc de photo. The Escapers Flux 4, qui est un logiciel pour créer des sites web. Il y a Logo Design Studio Pro. Pour se dessiner soi-même ses logos. Mm-hmm. Belight Concealer. Keep your file and password safe and secure. OK. Exact. Okay, Metakine Hangs Off. Safe with the monitor computer. Qui, je crois, est une petite compagnie de Longueuil. Ah oui? Oui, c'est eux qui font quelques logiciels au niveau de DVD, je vais juste vérifier si c'est bien ça. C'est eux qui font DVD Remaster. Ouais, c'est en plein ça. C'est une compagnie de Longueuil. Mm. peut-être qu'on les invitera à un moment donné à venir nous en parler dans un podcast. Il y a du web hosting chez R-Vives, 6 mois compris. Donc, peut-être essayer ça. Puis, The Escaper Stuff, tout. Comme je le disais dans le dernier podcast, je ne sais pas, mais il me semble que plus ça va, plus les bundles sont moins intéressants. Mais c'est même, quand on parlait cette semaine, les trois ensemble, quand on faisait la liste du Black Friday, vendredi passé, jeudi soir passé, j'ai rien acheté cette année. Dans Black Friday, rien? Rien. Nada, rien. Même pas pour le Cyber Monday, qui était il y a 2 jours. J'ai vraiment rien acheté cette année. La seule affaire que j'ai acheté... Bon, non, j'ai rien acheté, exactement. Fait que... Acheté sur Steam, je pense que j'ai acheté 2 jeux. Puis il y en a un, je peux même pas jouer. Je l'ai acheté, je pense, parce qu'il est en spécial. C'est Mark of the Ninja. C'est un jeu... C'est un jeu... Allez voir le preview, ça a l'air complètement malade. C'est un petit jeu qui a pris tout le monde par surprise. C'est un jeu 2D, mais ça a l'air rapide, ça a l'air excellent. Puis c'est un jeu Windows pour l'installer. Mais sinon, j'ai acheté le Walking Dead de Telltale Game. Mm-hmm. Donc, parce qu'il était en spécial. Mais sinon, là, effectivement, habituellement, là, ça me vide le portefeuille, le Black Friday. Puis là, j'ai trouvé les bundles qui étaient proposés. C'est du ramassis de vieux logiciels pas intéressants. Non, c'était pas intéressant cette année. C'était pas une bonne cuvée. Ah ben en fait, oui, il y avait un logiciel qu'on aurait voulu acheter. Ouais. Un gros rabais de 30% sur un logiciel à 1000$. Il faut quand même cacher le 700$. Ouais. C'était les streams, il y avait des rabais sur tous leurs produits. Si on voulait Flip for Mac, Flip Player, ScreenFlow, peu importe les logiciels, c'était 30%, mais il y a des logiciels qui sont quand même assez chers, Encoder et compagnie. C'est assez cher, là. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont de besoin puis qui ont les sous, qui ont une petite entreprise puis qui n'avaient de besoin, c'était une bonne occasion de sauver de l'argent. Ben oui, c'était un 300$ là, drette là. Fait que ça valait la peine. Les mises à jour de la semaine maintenant, il y a eu Skype iOS 4.2. Ouais, on sait. Oui. Oui, excuse. On sait que Skype maintenant appartient à Microsoft. Et avec la mise à jour qu'ils ont faite, je pense que c'est aujourd'hui ou hier qu'elle est sortie, je ne me rappelle plus. Maintenant, on peut intégrer Messenger, Hotmail et Outlook.com à ses contacts. On peut chatter avec nos amis de Messenger, mais. Pas pour longtemps, parce qu'il va il ferme, je sais plus trop quand. Là. C'est pour ça qu'ils permettent justement le transfert des contacts et des le tout vers Skype. Exactement. Côté Google, bien, deux choses à souligner. Il y a Google Drive, qui permet maintenant d'éditer les tableaux, uploader dans Drive avec OpenIn, créer, ils ont aussi réglé des bugs. Oui. Google Chrome iOS, qui ouvre les PDF dans un autre logiciel et reconnaît maintenant les passbooks. Qui n'étaient pas reconnus avant, parce que, mettons, si tu voulais créer un passbook, puis il me disait que l'extension du fichier n'était pas reconnue. Maintenant, ils ont réglé le problème. Alors, on peut ouvrir des passbooks dans Chrome. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti aujourd'hui aussi au niveau Google Mail et Google Drive, qui est une espèce de fusion qui nous permet d'avoir un peu plus de capacité. Ah oui? Oui, il me semble que j'ai vu ça. Ben, je sais que maintenant, dans Gmail, tu peux transférer des fichiers de... Aux fichiers, là, on peut les... Jusqu'à 10 gigs. Ouais, c'est gros. Donc, les usagers de Gmail peuvent attacher des fichiers aussi larges que 10 gigs. Wow! À travers une intégration avec Google Drive. Ah, c'est cool. C'est sorti aujourd'hui comme nouvelle. Je vais vous donner la source. Et on va vous les mettre dans les notes de l'émission. Non, il y a TomTom sur iOS 6 qui a été mis à jour pour, évidemment, fonctionner avec le iPhone 5 qui s'intègre à Maps. Donc, dans Maps, là, si on cherche à avoir une autre application, on peut aller ouvrir dans TomTom. et les cartes qui ont été mises à jour aussi. C'est très bien. On va aller écouter nos adresses et on revient avec le mot de la fin. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. MacQuébec désire remercier. Et voilà, c'était nos... je vais juste arrêter un petit peu. Nouvelle, parce que là, il y en a une autre qui est partie, voilà. Et voilà, ça, c'était nos adresses. Et également, on peut être rejoint par d'autres moyens. Et Jean-François, tu vas nous donner ton Twitter à toi. Oui, moi, on peut me rejoindre sur Twitter à JFroy1979. J'ai Alexis. On peut me rejoindre sur Twitter au Alex Cornelier. Et moi, vous pouvez me rejoindre sur @cybernard également sur Twitter. Et pour tout ce qui est de MacQuébec, bien sûr, le site macquebec.com, podcast@macquebec.com pour nous rejoindre par email si vous avez des questions pour le podcast, mais aussi si vous voulez participer à l'émission Les amateurs de Mac Bonsoir, si vous avez des problèmes ou des questions, vous pouvez écrire à cette adresse-là également. Et vous pouvez également visiter la page Facebook de MacQuébec. Et bien sûr, le compte Twitter de MacQuébec, ben, c'est @macquebec.com. Venez-nous dans deux semaines où est-ce qu'on va avoir un nouvel épisode et dans le cadre du podcast MacQuébec, Éric Brunel de Druid Informatique qui va venir nous voir pour nous parler de la nouvelle version de Druid qui est disponible en fait à l'achat en ce moment chez toutes les bonnes boutiques dont notre commanditaire Coopcam et qui va être tiré aussi dans le cadre du petit bas de Noël de MacQuébec où est-ce en fait, en allant sur puis, c'est Marc-Antoine Vincent qui nous ont fait un bel emballage sur le site et vous allez avoir toutes les informations là, pour aller participer. Il y a déjà proche 500 participants. 700. 700 maintenant, oui. 700 participants. Moi qui encourageais les gens sur Facebook à ne pas participer, comme ça, il allait avoir plus de chances de gagner. Voilà. Je disais aux gens, participez pas à ça. Moins vous êtes, plus vous avez de chances de gagner. Eh oui, mais si tu veux, le monde veut le gagner. On va dire qu'il y a peut-être des beaux prix. Ça encourage les gens à participer. Pour notre premier Bon Noël, je trouve qu'on a des pas pires prix. Parfait. Oui. Bien sûr, c'est ce qui complète cette édition du podcast MacQuébec. On se dit dans deux semaines. Oui, dans deux semaines. Je sais plus quelle date, là. Mais dans deux semaines. Excellent. Merci beaucoup d'avoir participé et on se dit à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bye-bye.